Les Trépidantes de Brigitte Tornade, de Camille Collère. 18e épisode. L'entretien annuel d'évaluation. Au bureau, s'il y a bien un truc mais qui me stresse, c'est l'entretien annuel d'évaluation. Heureusement, ça me détend de pouvoir en discuter avec Paul. Non mais Brigitte, un entretien d'évaluation, c'est pas un tribunal, faut se calmer un peu. Ah bah j'aimerais bien t'y voir, hein. Dans le genre tu te fais avoir en deux secondes, y a pas mieux. Déjà l'an dernier, ils m'ont mis mon congé de maternité dans les dents pour pas me filer d'augmentation, alors là c'est bon, hein. Je vois direct le Étienne avec sa petite chemise rayée qui va me sortir que j'ai été pas mal absente cette année, qu'avec mes gamins, Ah, j'en ai marre de trimballer une image de mère de famille. Mais n'y va pas comme ça sur la défensive. Pourquoi veux-tu que le type t'agresse direct avec ça? Parce qu'au bureau, je passe pour celle qui part tôt, qui a des rendez-vous chez le pédiatre ou l'ophtalmo à n'importe quelle heure, qui peut pas être là parce qu'il y a la grève de l'école. Et tu sais pourquoi? Bah parce que t'es jamais dispo et que c'est toujours moi qui assure quand les gamins sont malades. Oh bah merci Brigitte. Dis donc, quand je vois toutes les fois où je t'ai dépanné parce que. Mais attends, où tu m'as dépanné là? Non mais c'est une blague. Et tu me dépannes avec tes gosses. Eh bah voilà. Bah, tu vois c'est ça. Là on est au cœur du problème. Hein, ma chérie, t'es trop dans l'agressivité. Hein, tu pars au quart de tour, t'es pas dans une attitude positive. Ouais, enfin, excuse-moi, Paul Tornade, mais là, tu te défausses un peu vite. Bon, écoute, Brigitte, c'est pas la question, hein. Tu dévis sur un sujet qui n'a rien à voir et on ne se concentre pas sur la préparation de ton entretien. Si t'es dans cet état de nerfs demain, crois-moi, c'est sûr que ça va pas marcher. Hein. Faut pas que tu sois dans l'affrontement, tu vois. Joue la fille arrangeante, qui est force de proposition. Ouais, enfin, trop bonne, trop conne, quoi. Mais non, en disant ça, t'es sur du négatif. Il faut que tu incarnes la positive attitude, ma puce. Et surtout, vas-y avec un objectif de négo. Tu gardes bien en tête ce que tu veux obtenir. C'est quoi? J'aimerais bien passer responsable d'édition et encadrer une ou deux personnes. Voilà, ça c'est constructif. Tu montres que t'as envie d'avancer, de travailler en équipe, de prendre des responsabilités. Ouais. Faut pas que tu penses que les gars cherchent à t'avoir. Ce qu'ils veulent, c'est des collaborateurs sympas, prêts à relever de nouveaux défis. Ouais, t'as raison. C'est clair, c'est comme ça que je vais y aller. C'est vraiment comme ça. Ce que j'aime bien chez Paul, c'est son côté coach. Bon, parfois c'est vrai que je m'emporte un peu vite, alors que Paul privilégie toujours une vision positive des choses. Et pour l'entretien annuel, il a pas tort. Je veux dire, il n'y a pas de raison que Jean-Paul et Étienne essayent de m'entuber. Bon, Brigitte, merci de ces précisions que tu nous apportes. Ça fait plaisir de voir que tu te sens aussi bien chez nous, c'est vrai. Je suis sincère, hein. Quand on voit la grisaille actuelle, la crise, les gens qui tirent la gueule, franchement, je te dis, c'est agréable d'entendre un discours aussi positif. Non, mais oui, hein, comme je dis toujours, je veux dire, voyons les choses du bon côté. Hein. On a de la chance d'avoir un boulot avec une équipe dirigeante à l'écoute, donc je suis comblée. Eh bien, formidable. Nous aussi, hein, Jean-Paul? Ah oui, tout à fait. Alors, si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, on n'a pas de raison de prolonger l'entretien indéfiniment. Ah... On a terminé? Ah ouais, ouais. Non, mais c'est juste que... Enfin, c'est toujours dans un élan très positif. Hein. Il ne s'agit pas du tout de récriminer, mais c'est vrai que je souhaiterais évoluer dans mon poste, quoi, prendre plus de responsabilités, comme motiver des troupes, des équipes, m'investir plus. Ouais, c'est vrai, c'est ce que tu avais noté dans ton mail. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas une très grande visibilité sur l'année, là, hein. Enfin, je parle sous le contrôle d'Étienne, hein, qui a plus l'œil sur le compteur que moi. Ouais, ça, c'est sûr que cette année, je veux pas être défaitiste, mais c'est ceinture, quoi. Donc là, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mmh. On fait évoluer exceptionnellement Belinda, parce que, bon, tu la connais, elle est grande gueule, elle est toujours en train de râler que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas bougé, etc. Mais bon, je pense que tu fais partie des gens qui sont tout à fait à même de comprendre notre position, délicate, en termes de management. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissant de cette attitude. Mais concrètement, tout est un peu bloqué avec la crise. Ouais, non, mais j'imagine bien. Quoique, Jean-Paul, je me demande si... tu sais, pour ça, C'est pas con, ça, Étienne. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que le côté joyeux de Brigitte pourrait convenir. Hein. Voilà, alors, en fait, on a peut-être quelque chose pour toi, Brigitte. Ah. Bon, t'emballes pas, hein. C'est une promotion, mais un peu transversale, hein, si j'ose dire. Transversale. En fait, on voudrait vous proposer de prendre en charge le côté animation de la boîte. Voilà. Comme vous avez plein d'enfants, le groupe et le collectif, les goûters d'anniversaire, tout ça, ça vous connaît. Votre côté mère de famille, en somme. Ouais, enfin, je voyais quand même quelque chose de plus... Bon, cette année, le séminaire à Marrakech... On va pas pouvoir. Donc avec Étienne, on a eu l'idée d'un séminaire à Melun. À Melun, en novembre? Absolument. La Seine-et-Marne regorge de beautés sous-estimées. Hein. Et on s'est dit qu'un séminaire accrobranche pourrait motiver tout le monde. Vous voyez, c'est la métaphore de l'arbre qu'on cherche à faire passer. Monter toujours plus haut, décrocher les étoiles. On a besoin de gens comme toi, Brigitte, avec ce côté sympathique et rassurant, tout en se considérant comme les alpinistes de l'entreprise, tu vois, qui vont ouvrir une nouvelle voie. T'es l'Herzog au sommet de... C'est l'Everest. Mais Herzog, c'est pas celui qui a perdu ses orteils? Eh ben justement, Brigitte, il faut être prêt à se couper les orteils pour sa boîte. Et c'est exactement ce que vous incarnez. Non, parce que faut pas se leurrer. Avec tous les grincheux qu'on se trimballe, ils vont trouver le moyen de dire que Melun, c'est moins sympa que Marrakech. C'est pour ça qu'on a pensé à toi, pour motiver les troupes. Il n'y a pas plus positif que toi dans la boîte. Et pourtant, je t'ai filé un paquet de dossiers de merde récemment. Ah, bah, je suis flattée. Bon, bah voilà une affaire qui roule alors. Et pour l'augmentation? Ah oui, bien sûr, qui dit promotion dit augmentation. Hein, Étienne? Ben, ça va de soi. Écoutez, pour cette année, je vous propose d'indexer votre salaire sur l'inflation. Ah, mais avec la crise, l'inflation... Ben, Brigitte, c'est... l'inflation reste l'inflation. Attention, hein, on ne parle pas de sommes faramineuses, mais c'est un geste de notre part pour vous signifier à quel point nous apprécions votre engagement dans la boîte. Bon. Ben, merci. Ben, y a pas de quoi, Brigitte. La positive attitude, hein, ça paye toujours. Bonne journée. Elle a pleuré de joie, non? C'était La vie trépidante de Brigitte Tornade. De Camille Collère. Avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Gilles Privat et Florent Houlier. Remerciements à Elodie Fiat. Bruitage Sophie Bissante. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage Pierre Mine et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation Lise-Marie Barré. Réalisation Cédric Ossier.